passer sans souci. Dans vos rêves, bien plus bleu que la vie. J'irai même vous chanter sous la pluie. Dans vos rêves, font le jour de mes nuits. Mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. Je vous aime, n'y voyez que du feu. Le plus beau jour est celui d'aujourd'hui. Tous les toujours ne riment qu'avec ennui. C'est sans souci. Dans vos rêves, bien plus bleu que la vie. J'irai même vous chanter sous la pluie. Dans vos rêves, font le jour de mes nuits. Mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. Je vous aime, n'y voyez que du feu. Le plus beau jour est celui d'aujourd'hui. Tous les toujours ne riment qu'avec un nuit. Tous les toujours ne rime qu'avec un nid.